je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, juste à côté de toi. Voilà, c'était la chanson Mystère choisie par Christopher. Alors, on va demander aux auditeurs si des fois ils ont trouvé d'appeler au 03 Vas-y. 29 Oui. 62 40 40. Bien, merci Nicolas. Voilà. Donc, aujourd'hui, le sujet coronavirus. Coronavirus. Alors, on a Gabriel, il me regarde. Gabriel, c'est quoi ça le coronavirus? Ah, c'est mon cahier, coronavirus? Non, c'est gros ça. Mais Zinedine, déjà, on coupe pas la parole. Là, c'est Gabriel. Ouais. Éloigne-toi du micro, s'il te plaît. Non, mange pas le micro. Gabriel, ça. Est-ce que tu as entendu parler du coronavirus? Non. À la maison, on n'en parle pas. Non. Non. À la télé? Non. Corinne? Non plus. Non. Donc, tu sais pas du tout ce que c'est? Non. Non. Bon. Et à l'IME, tu n'en as pas entendu parler? Non. Alors, par exemple, tout à l'heure, là, pourquoi est-ce que tout le monde s'est passé le produit, là, le gel hydroalcoolique? Pourquoi tu en as mis, toi? J'aime pas. T'aimes pas? Mais si. J'aime pas. Tu as voulu en mettre. Pourquoi, à ton avis? Ça sert à quoi, ça? Pas. Tu as voulu faire comme les autres alors, c'est tout? Mais tu sais pas pourquoi? Non. Okay. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire pourquoi ils ont mis... Nicolas, vas-y. À cause des microbes. On l'attrape. Voilà. Pour pas tuer les microbes. Bien ça, moi. T'aimes bien? Mmh. Ah bah alors, si t'aimes bien, c'est le principal. Donc, on a essayé de bien décliner de quoi on allait parler. En commençant déjà, la question, je vous ai dit, c'est quoi? Une bactérie. Alors, chacun son tour. Tout le monde ne parle pas en même temps. Hein. Et Marion et Régine, si vous voulez apporter votre contribution, ce serait bien, parce que je, dis, hein, je n'ai pas toutes les infos. D'accord. Alors déjà là, c'est votre regard à vous. Nicolas, à ton avis, c'est quoi le coronavirus? C'est ce qu'ils mangent en Chine. C'est ce qu'ils mangent en Chine? Oui, ils mangent des chauves-souris, là. Et puis? C'est la chauve-souris, hein. Et c'est alors? Explique. Qui a mis le coronavirus à un homme. Ça a été transmis. Le virus. Coronavirus. Et transmis par une chauve-souris, c'est ça que tu dis? Oui. Et les autres, quel est votre regard? C'est une bactérie. Camille. C'est quoi? Une bactérie. Je sais pas. C'est un microbe. Nicolas nous avait dit que c'était une bête, hein, lundi. Ah oui. Bête. Ça fait tout le monde. Je sais pas à quoi elle ressent, mais c'était une bête. Ouais, elle a quatre yeux. Elle a... Christopher, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Une bactérie. Un virus, oui. Un virus. Et puis? Ça se transmet si tu tousses et si tu éternues. Tu tousses, tu éternues, et c'est tout, il y a comme ça. Si, si tu restes beaucoup avec... Pas tout le monde en même temps. Si tu restes beaucoup avec la personne qui a le coronavirus, tu peux le soper. Oui, mais est-ce que ça se transmet aussi autrement que par la toux? Quand tu crasses. Tu craches, ben c'est toujours par la bouche, là. Hein. Non, c'est par le nez quand tu éternues. Et puis Tu restes longtemps avec lui. Alors, on va repasser la parole à Nicolas, vas-y. La fièvre. Ah ben, la fièvre, c'est quoi, la fièvre? Pourquoi on a de la fièvre quand on est malade? Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a de la fièvre? Parce que quand un virus, il entre dans votre corps, qu'est-ce qui se passe? Il s'attaque au cœur. Non, système immunitaire. En premier. Bien, Christopher. Il y a... Système immunitaire. Qui se déclenche et puis qui lutte. Et c'est ce qui fait que vous avez de la fièvre. Est-ce que vous saviez ça? Oui. Christopher, tu savais? Oui. Oui, ok. Donc on en était toujours à... C'est quoi? Alors Camille, c'est quoi? Est-ce que tu es d'accord avec ce que Christopher a dit? Oui. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ce que Nicolas a dit? Oui. Zinedine, pour toi, c'est quoi le coronavirus? Vas-y, dis, donne ton avis. Avec tout ce que tu as entendu, à droite, à gauche, à ton avis, c'est quoi? Non. Alors, tu sais pas, mais t'as pas essayé de te renseigner un petit peu? Non. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ce que Christopher et Nicolas ont dit? Oui. Oui. Ok. Bon. On a déjà des infos. Régine, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Christopher et Nicolas... Oui. Mais on peut aller plus loin. Par exemple, Christopher, il a parlé de bactéries. Sinon, pour le coronavirus, on parle de virus. Alors, moi, je trouve que c'est très compliqué à comprendre. Même moi, je ne comprends pas bien la différence, par exemple, entre bactéries et virus. Mais je crois que pour le coronavirus, c'est quelque chose qu'on peut rattraper tous. Alors que la bactérie, on ne la rattrape pas forcément quand elle est en nous. Les autres ne la rattrapent pas. Mais voilà, il faudrait aller plus loin. C'est compliqué, je trouve, à comprendre. C'est peut-être beaucoup plus difficile aussi à soigner le virus que la bactérie. Voilà. Que le virus est... Nicolas, c'est bien. Tu as bien expliqué pourquoi, à l'origine, effectivement, on pense que c'est ça. Hein. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont mangé des animaux sauvages. Mais nous aussi, on en mange, des animaux sauvages. Pas moi. Ben si. Ben, le poisson. Voilà, par exemple. Exactement. Et Marion, est-ce que tu voudrais ajouter autre chose sur... C'est quoi le coronavirus? Ou est-ce que tu penses que... Bah, tout a été à peu près dit et je pense que comme Régine, c'est vraiment compliqué. À part avoir fait des études en sciences, puis c'est ouais, pas voilà, mon domaine ouais. de prédilection à l'école, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais bon, par rapport à ça, à votre niveau, il y a quand même des choses importantes à dire et à savoir pour vous protéger. Ça, c'est important. On voulait quand même le dire ce matin. Donc, à votre avis, déjà, que faut-il faire pour éviter... Des crapaïmes. Attends, soit peu de contracter le virus. Ah, Zinedine a une idée. Vas-y. Ah oui, des nappes aussi. Bien, Zinedine. Il ne faut pas se donner la main, c'est ça? Oui. Oui. Est-ce que tu as une autre idée, Zinedine? C'est quoi? Les mains. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire avec les mains? Les laver, oui. Bien. Autre chose? Aliémeux, Zinedine, qu'est-ce qu'il y a comme consigne? Alors, tu as dit, il faut pas se... Ah oui! Les bisous. Oui, pas de bisous. Bon, je faisais pas de bisous, hein, mais pour les adultes, plus de bisous. Non. À moi ? Hein ? À toi non plus, Gabriel. Hein ? Personne. À maman, moi. À ta maman, tu fais le bisou ? C'est différent, là, ta maman. Quoique, il faudrait éviter. Alors pour les amoureux, ça doit être compliqué. Hein. Plus de bisous. Deux, là. Et pour Gabriel aussi. Mais oui. Comment il va faire s'il a plus de bisous de sa maman ? Et puis alors, à l'IME, c'est ça déjà, hein, plus de bisous, on se serre plus la main, on se lave les mains le plus souvent possible, même se passer du gel hydroalcoolique, mais il y a d'autres... Qu'est-ce qu'on fait quand on tousse? Ah, vas-y Gabriel. Bien. Ah ben, tu vois, tu en as parlé, Gabriel. Alors, vas-y, dis-le dans le micro. Où c'est qu'on met la bouche, Gabriel? Dans le... Bah, le bras. Bien. Alors là, bravo, Gabriel. Ah, très bien. Éternue aussi dans le bras. Bien. Comment? Éternue dans le bras. C'est éternue. Gabriel, oui. Il dit non, mais en fait, il sait. Mais il sait plein de choses, Gabriel. Oui, et il ne veut pas le dire qu'il sait. Donc, on compte sur toi, Gabriel. Non. Si, si. Ah, si. Non, on ne veut plus entendre, hein. On l'a dit. Hein. Maman, elle t'écoute, Gabriel. Ouais. En plus. Et peut-être papa. Et en plus. Oui. Oh, tu te rends compte, Camille? À Benoît. Et même Benoît. Benoît, oui. Marie, peut-être. Non. Qui? Marie. C'est qui, Marie? Ah, oui. Elle n'écoute pas. Peut-être si, dans la voiture. Elle est en route. Elle est en route. Ah, elle est sur la route. Bah, tu sais, à la radio, ça passe aussi. Hein. Ah, pas t'entendre. Pas bazar. Ça dépend où elle est. Fais la bise à Marie. Alors, je vous avais aussi demandé comment sont les personnes qui sont malades. Qu'est-ce que vous avez entendu? Vous en avez déjà dit un petit peu, hein, mais... Vas-y, Christopher. Ils ont le coronavirus, tu veux dire? Oui. Les symptômes, oui. Ils ont du mal à respirer. Oui. Ils sont fatigués. Ah bah oui, forcément, oui. Ils ont de la fièvre, ils ont du mal à respirer. Ils ont une bronchite. Oui. Voilà. Parce que le coronavirus, il s'attaque à quoi en premier? J'étais militaire. Au cœur? Non. Direct. Pas immunitaire non plus, tu l'as dit. Au nez. Le nez. Nez, nez ça. Ça c'est le système. Respiratoire. Voilà, tout l'appareil respiratoire. C'est bien, je te pense très bien. Ah, tu voulais dire quelque chose, Yadine? Moi, c'est ce que j'ai dit énormément. Non, moi, c'est moi. Non, moi non plus. Moi, alors, et puis alors, dans les régions où il y a quelques personnes qui ont les symptômes du coronavirus, qu'est-ce qui se passe? Isolement. Qu'est-ce qu'ils doivent faire en plus? À l'hôpital. Hôpital. Non, mais avant. Tester. Pour se protéger. Mais des masques. Pour se protéger. Passe du masque. Et les gants aussi. Pas oui, il y en a qui mettent des gants. Des gants. Dans la rue comme ça, les gants. Qu'est-ce que tu dis, Christopher? Dans la rue, les gants. Oui. Parce que dans les régions où il y a le coronavirus, il peut en avoir partout. Vous allez retirer de l'argent à la banque, boum, vous appuyez sur les petits boutons. Ou tu prends un crayon. Les portes d'entrée, quand vous tirez la porte d'un magasin, et tout, il y a plein de gens qui prennent la porte. Les caddies, oui. Déjà que c'est un nid à bactéries en général. Ouais. Donc partout, il faudrait essayer de se protéger les mains, oui. Mais le problème, c'est qu'actuellement, dans les pharmacies et tout, qu'est-ce qui se passe? Divalisé. Ils sont dévalisés. Les dévalisés masques, de quoi? Les masques. Oui. Les droits de colique. Oui. C'est ça qui se froide beaucoup. C'est beaucoup resté. Oui, c'est vrai. Pourquoi alors? Pour se protéger. Oui, mais pourquoi les pharmacies, elles sont dévalisées? Pour en avoir plus sur soi des masques, au cas où. Parce que les gens, ils ont quoi? Peur d'apocalypse. Ils ont le coronavirus. Ah bah non. Non, ils veulent se protéger. Ben voilà, et puis les gens ont un petit peu peur. C'est un peu normal. Il faut même des réserves de boîtes. Des réserves de boîtes. Ah, alors... Oui. Boîtes de conserve. Alors ça, c'est pas dans les pharmacies. Non, c'est où? Au magasin. Dans les magasins. Les magasins sont dévalisés. Oui. De boîtes, tu dis toi. Non, pas de masque. De nourriture. Non, mais de boîtes. De nourriture. Ah, de nourriture. Et des pâtes, du lait, de la farine. Alors, est-ce qu'à la Bresse, c'est dévalisé? Non, c'est rien, je suis pas allé. Ah, t'as pas été, toi? Donc, non, tu fais pas de provisions. C'est surtout en Italie que ça a été dévalisé. Papier toilette. Le papier toilette? Le moyen. En Chine, ils avaient pris beaucoup de papier toilette. Qui ça, tu dis? En Chine. Quand en les... Chine? Ah, ils avaient pris tout le papier toilette. Bon, alors, avec les dernières infos là, que vous avez entendues, est-ce que vous avez... trouver que ça s'était amélioré? Non. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que c'est mieux maîtrisé? Non, pas encore. T'as entendu quoi, toi, alors? Il y a encore des nouveaux cas, encore. C'est pas encore amélioré, encore. À cause du rassemblement des chrétiens, là. Dès que tu avais parlé dans la voiture, là. Ah oui, non, mais j'attends que tu le dises. Ah, Mulhouse. Mulhouse, ah, c'était Mulhouse? Ça, oui. C'était un rassemblement prières, religieux, oui. C'est comme ça qu'il y a eu... Il y a de nouveaux cas à Mulhouse? Oui, 9, hein, c'est ça. En fait, j'ai pas tout suivi, mais ils recherchent des personnes qui ont assisté à ce rassemblement. Oui, moi, on m'a dit 9 hein, ce matin. Ah, donc, près de, il y a eu 2000 personnes. Et, parce que apparemment, ils auraient été en contact avec des personnes porteurs. Oui, ça va très vite, hein. Oui, donc Nancy, Mulhouse, nous sommes cernés. Nous sommes cernés, ça va arriver ici après. Nancy, c'est pas des gens de Nancy, c'est pas des gens de la Meurthe-et-Moselle ni de la Moselle. En fait, ce sont des gens de l'Aisne, donc c'est beaucoup plus haut. Parce qu'il n'y en a pas du côté vraiment de tout près. La Lorraine, il n'y a pas trop... Mais c'est parce que l'hôpital de Nancy, il a tout ce qu'il faut pour les accueillir, les gens malades. Mais pour l'instant, on est épargnés. Mais peut-être trop froid chez nous. Bien que... Ah, il ne fait pas si froid la que nuit, ça, quand même. La nuit, il fait froid. Oui, il gèle un petit peu. Mais cette nuit, il a gelé. Oui. Alors, tiens, puisqu'on parle de froid, de chaud, est-ce que le coronavirus se développe davantage avec le froid, le chaud ? Qu'est-ce qu'il aime, tiens ? Le froid. Il aime le froid. Tu dis quoi, Zinedine ? Rien. Rien me dit non, Marion. Le chaud. Bah, disons qu'en ce moment, apparemment, les températures qu'on a, c'est très bien pour lui. Ça lui convient bien. Parce qu'il y a de l'humidité aussi. Faut qu'il fasse chaud. Voilà. Faut attendre l'été, Nicolas. Ça, il n'aidera pas. Faudrait qu'il fasse plus froid. Attendre l'été, Nicolas. En quoi ? Moi, je pense que s'il faisait plus chaud, ça ne le dérangerait pas non plus. Hein. Non, chaud, hein, oui, il a besoin. Pour même muter, en plus. Pour même muter. Il est chiant. Bah, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, il n'a pas muté. Dans le corps de l'homme. Il peut encore, hein. Ah, il peut encore, oui, mais on va peut-être pas... De quoi Ce serait bien qu'à l'IME, vous le dessiniez, le coronavirus. C'est une bactérie. Est-ce que vous avez vu comment il était ? Oui, j'ai vu. Vert. Les ronds. Les ronds. Les verts peuvent aussi... Il y a des épines dessus, des épines. Avec des pics. Des pics. C'est pour ça qu'il l'appelle coronavirus, parce que ça fait comme une couronne, avec des petits pics au-dessus. Les billets aussi, autour même. Comment ? Dans les billets, il peut rester longtemps. Dans les billets. Ah bah alors, il faut rester longtemps. Il faut plus dépenser de sous, alors il faut plus. Les billets d'argent. Dans les billets aussi. Dans les billets même. Ah bah alors, cartes. On va rien dépenser. Hein. Dans les cartes. Comment il va rester celle que. Bon après sur tout ce qui est support, comment on dit. Inerte qui bouge pas et tout, la durée c'est 3 heures apparemment, hein, oui. Devine. Ce serait 3 heures. Mais c'est vrai qu'en supermarché, eh ben, en 3 heures il peut y en avoir des mains de posées. Oui, non, mais c'est vrai. Oui. Faut y aller avec des gants qu'on jette après. Ah oui, je voudrais bien courir en gants. Supermarché. Bon, alors. Alors, quel est l'autre nom du coronavirus ? Corona. Non. Philippine. À la radio, à la télé, et dans la presse écrite, qu'il a un autre nom. C'est comment on l'appelle ? Le Covid-19. Le Covid-19 ? Covid. Tu l'as pas vu ? Non ? Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Covid, ça doit être un sigle. Oui, peut-être. Le sigle de l'infini. Je vais regarder. Tiens. Donc c'est bon ça, vous avez retenu. Quand tu avais dit aussi le seul pays a pas mis le virus, t'avais dit. Le virus. Un pays qui a pas mis le virus. Ah oui, alors la question c'était connaissez-vous un pays où il n'y a pas le virus ? L'Antarctique. Ah dans l'Antarctique, oui, il n'y en a pas, c'est vrai. Dans l'espace. Tu veux qu'est-ce qu'il faut ? Attendez, pas tous en même temps. L'espace. Un dessin. En Suisse. Non, en Suisse, il y en a. En Suisse, ils en ont. Au Canada aussi, Canada. Oui. En Allemagne. En Islande. Le pays jaune. Oui, mais non, mais la question, c'était là où il n'y en a pas. En Afrique, ils l'ont. Écoutez, Marion. Oui. En Afrique. S'il y en a, en Afrique, des coronavirus. En Afrique, il y en a en Afrique du Nord. Nettement moins qu'en Europe ou en Asie. Alors, comment ça s'explique, ça, qu'en Afrique, il y en ait nettement moins que... Il fait trop chaud. Il fait trop chaud, tu crois ? Est-ce qu'il fait trop chaud ? Est-ce que... Ils sont immunisés ? Personne n'a été dans des zones à risque ou quoi ? Ou... Je sais pas. Ou peut-être ils sont immunisés là-bas, en Afrique. Ils sont immunisés ? Ah, on va peut-être aller chercher le remède là-bas, alors. Hein ? Ça se dit comme ça, mais il faut peut-être aller voir, hein, faire des recherches. Comment ? En Amérique du Sud, il me semble qu'il y en a moins aussi. Il y en a, je crois, au Mexique, non ? Ou en Argentine, il me semble. Je ne sais pas, mais il y en avait. Oui, mais nettement moins que... Oui. Mais par contre, la Russie... Si, il y en a. Ah si, il y en a quand même, oui. Oh, les États-Unis, il n'y en a pas... Si, il y a eu plus de morts aux États-Unis qu'en France. Ah oui ? En oui. France, on est à 4 morts, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Aux États-Unis, ils sont passés à 9. Et Trump avait dit qu'il ne passerait pas les frontières. Oui. Oui, non, mais il aime bien tout maîtriser. C'est comme Tchernobyl, ça s'arrête. Ben oui. Donc, alors, le pôle Nord, l'Afrique, ben non, apparemment, pas plus que ça. Ben, et quelques pays, mais... Puis c'est tout. La Suisse, aussi. Ben si, Régine vient de dire qu'il... Si, oui, la Suisse aussi. Deux fois, ça. Deux fois, ça. Une fête à Genève, ou une fête, une exposition, je sais plus. Nicolas, t'as un pays en tête? En Croatie. En Croatie. Merci. Tahiti. Oh, je crois qu'il y a aucun... tous les pays d'Europe en ont. Tahiti, c'est le pays d'Europe. Pas un seul pays d'Europe qui n'en est pas. L'Angleterre. Tu dis, Marion? Ben, je suis pas sûre de ça. Il me semble avoir vu une carte il n'y a pas si longtemps que ça avec quelques pays d'Europe où il n'y en avait pas. Par exemple, République tchèque, Slovaquie, il me semble qu'il n'y en avait pas. Ah! Oh, la chance! Mm-hmm. Ouais, on n'est pas tchèque. On ira! Comme j'en ai pas. Tant que le virus ne mute pas, ça va. Ben oui, parce que déjà là, c'est compliqué de trouver un vaccin. Donc, en plus, s'ils mutent, ça oblige à de nouvelles recherches. Eh ben, un dîner de bactéries. On n'a pas fini, alors. Hein. On pourrait être à quoi ils muteraient si on mettait un dîner de bactéries. T'as des envies de recherche, toi, et de chercheur. Hein. J'ai rien dit. Il est très intéressé, Christopher, c'est bien. Si, c'est bien. Il s'intéresse à tout... Oui. Il a plein d'infos, plein de connaissances. Bravo. Ne sois pas timide. Bon, on va faire la première pause hein, avant de continuer. Je ne sais pas qui, la suivante. Moi. C'était Florent Pagny, c'est qui a choisi Nicolas. Florent Pagny? Nicolas. Eh ben, c'est Nicolas. Eh ben allez. Non, Gabriel. Regarde autour, tout est là, tout est fait pour nous. Tout le temps court. Le temps est comme toujours. Bien trop court. Hier était hier, déjà au passé dépassé. Hier n'est plus à refaire ou à ressasser. Alors rien ne sert de s'encombrer. Laissons-nous vivre le présent d'abord. Laissons-nous vivre à l'instant plus fort. Laissons-nous suivre nos envies d'encore. Laissons-nous vivre aujourd'hui d'abord. Regarde autour devant toi, regarde celle-là, là, sous tes doigts. Prends tout, prends, sans détour. Demain sera demain, dis-toi bien que rien d'avance n'est décidé. Aucun destin n'est gravé dans ses mains. Changer, tout peut arriver. Laissons-nous vivre le présent d'abord. Oui, laissons-nous vivre à l'instant plus fort. Voilà, c'était la chanson de... Nicolas. C'était qui, Nicolas ? Florent Pagny. Bien, voilà. Et c'est quoi le titre de la chanson de Florent Pagny ? Moi, je sais plus. Je sais pas, moi. Tu sais plus ? J'ai pris au hasard. Le présent d'abord. Voilà. Le présent d'abord. Le présent d'abord. Alors, Corinne. Alors, donc, on continue avec ce fameux coronavirus, hein. On a un petit peu parlé de ce que c'était, comment faire pour ne pas le contracter, hein, quelque part. Le vaccin, il n'y en a pas, Nicolas. Hein. Non, mais le vaccin du foot. Oui, ah oui. Vaccin tu du as foot. Parlé du vaccin du foot. Pas me servir. Hein. Mais moi, je ne sais pas du tout ce que c'est Régine que le vaccin du foot. Le vaccin du foot. Alors, on le fait. C'est pas une fake news. Alors, est-ce que c'est le tétanos ou... Le vaccin du foot. Ça fait longtemps que tu l'as fait, Nicolas ? Oui, ça fait longtemps. Hein. Au début que tu joues au foot ? Oui. Ah, c'est le vaccin anti-perde. Le vaccin anti-quoi ? Anti-perde. J'ai fait, quand il perd. Pour pas perdre. Le médecin. Anti-perde. Avec le médecin. Attendez. Tu crois que les joueurs de foot font des vaccins pour ne pas perdre, toi ? Hein, Christopher ? Ils disent pas, ils disent la vaccination des footballeurs, c'est des footballeurs professionnels. C'est parce qu'ils vont dans les autres pays jouer, donc... Bah oui, que toi, non, pas encore. Mais c'est le médecin qui a dit ça. Tu l'as fait, le vaccin ? Oui, je l'ai fait quand même, le vaccin. Qui l'a dit que c'était le vaccin du foot ? Je sais pas. Mais tu demanderas à ta maman. Ta famille ? Le médecin ? Je sais pas. Tu demanderas à ta maman comment il s'appelle, le vaccin, d'accord ? Que tu dises... Ah, mais docteur... Sinon, il n'y en a pas. Sinon, t'as pas l'autre, mais me servir. Et puis tu rediras... On aurait vacciné un peu comme tout le monde. T'as pas l'autre, mais me servir, pour qu'on aura un virus. Non, mais alors, est-ce que le coronavirus, il y a un vaccin ? Non. Non, il faudra 2 ans avant qu'ils sortent le médicament. Ils sont encore dans les recherches, là. Il faut y aller voir en Afrique, si il n'y a pas d'antidote en Afrique. Bon, en Afrique, pourquoi ? Oui, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de cas en Afrique. Oui, et puis là, Marion, elle disait qu'il y avait quand même des pays qui n'étaient pas touchés, là. Bon, la chance. La Bosnie, la Syrie, la Pologne, puis je sais plus. Ah, la Pologne, c'est le pire rose. C'est pas touché. C'est pour ça que j'ai essayé ça hier. C'est peut-être la Pologne. Après, comme disaient Régine et Marion, il y a peut-être moins de mouvements dans ces pays-là. Parce qu'en Europe, l'avion et tout ça, ça bouge beaucoup. Avec le commerce international et tout ça. Il faudrait tout interdire le commerce. Il faudrait interdire le commerce. Il est déjà bien baissé. Voilà, justement, parce que là, on va parler des conséquences. Moins d'argent. Du coronavirus. Alors, au niveau même du secteur, et puis à plus grande échelle, au niveau mondial, qu'est-ce que vous avez entendu ? Qu'est-ce que provoque le coronavirus ? Pas chez l'être humain, au niveau mondial, pardon. Zinedine, vas-y. De manger. Non, mais là, t'en es au niveau de l'être humain, toi, là, tout. C'est pas grand. Ça. Les conteneurs, là, qui transportent par bateau, là. Oui. Il y a une baisse, apparemment. Il y a une baisse. Oui. Des produits qui viennent de Chine, il y en a beaucoup moins. Ouais. Oui, alors... C'est en France, là, le fromage, là. Question, ils adorent manger le fromage. Premier exportateur de France. Les producteurs de lait, oui. Oui, j'ai entendu ça. Oui, c'est possible. Oui. Parce que les Chinois sont des gros importateurs de fromage. Non, c'est nous qu'on envoie du fromage. Comment ? C'est nous qu'on envoie du fromage aux Chinois. Oui, mais les Chinois, ils sont importateurs, puisque ça vient chez eux. Ouais. Et nous, on exporte. Oui, ils portent du fromage là-bas. Voilà, ils mangent beaucoup de fromage, ils boivent beaucoup de lait. Donc, qui c'est qui produit ça ? Nous. Moi. Toi, t'as des vaches derrière chez toi. Ah, des femmes, moi, il y en a un, moi. Des agriculteurs. Oui. Il y en a un, moi. Donc, voilà, déjà ça marche un peu difficilement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? La pêche. La pêche ? Je sais pas. Les poissons. Une poisson, c'est encore... Qu'est-ce qui se passe quand les gens, on les oblige à rester chez eux ? Ils ne travaillent pas. Donc, oui, ils ne travaillent plus. Il y a une baisse de travail. Voilà, une baisse de travail dans les entreprises. Voilà. Oui. Tous ceux, par exemple, qui organisent des voyages. Les agences de voyage. Les agences de voyage. Elles se ferment. Les transports scolaires. Tout le ceux tourisme. Qui font des voyages scolaires, voilà, pour l'instant. Nida. Eh ben, ils ont plein d'annulations. Donc ça, c'est terrible, hein, quand même, pour les entreprises. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Le magasin aussi, il y a beaucoup de monde. Ah bah oui. Les gens, ils vont moins chez le coiffeur, toi, s'ils peuvent s'en passer. Il y a une question, Zinedine. Ah, Zinedine, oui. Oh, moi, non. On a des plus jeux au fond, moi. Non. Ah, Zinedine, il pourra plus jouer au foot. Pourquoi? Ah oui, des malins. T'es dépoussé. Non, moi, je suis. Ah oui, il y a des matchs de foot. Des matchs de foot qui ont été interdits. Là, il pourra. Il parlait de lui. Il pourra plus jouer au foot. Ah, j'ai dit. Mais quoi, n'est pas là. Mais si. Si, pour l'instant, tu peux toujours. Tu peux. Tu peux y aller. Non, je suis. Non. Mais en même temps, Régine a raison pour les gros matchs de foot. Ah non. Bon, en même temps, il y a eu beaucoup des matchs nus, hein, quand même. Alors, ceux qui ont été beaucoup annulés, c'est surtout en Italie. Dans vraiment les grosses régions qui ont été impactées, la Lombardie, la Vénétie, puis je ne sais plus la troisième. Par contre, en France, les matchs de foot n'ont pas été annulés. La preuve, ce soir, il y a la Coupe de France Lyon-PSG. Il y a plus de 5000 personnes. Il y aura plus de 5000 personnes dans le stade de foot. Hein, mais le match est maintenu. Par contre, des matchs de basket... il y en a qui ont été annulés parce qu'il y avait plus de 5000 personnes dans le palais des sports, donc du coup ils ont annulé les matchs, mais beaucoup au dernier moment, donc certains ont fait juste l'aller-retour. Ah oui, mais quoi? Et puis ça dépend peut-être aussi si c'est confiné, c'est fermé, ou alors si c'est ouvert peut-être, non? Ah oui, mais... Enfin, ça change rien que ce soit confiné ou ouvert, les personnes dans un stade de foot sont côte à côte comme dans un palais des sports pour aller voir un match de basket, comme dans une patinoire pour aller voir un match de hockey. Enfin, les personnes sont assis les uns à côté des autres. Donc que ce soit un stade de foot qui soit un peu ouvert ou un palais des sports qui soit fermé, pour moi ça change rien. Oui, après la décision ne nous appartient pas. Hein. Ouais, quoi. J'ai entendu par exemple ce soir à Amnéville... Il y avait M. Pokora qui devait passer, c'est annulé. Corinne. Quoi voilà, en plus, lui, alors, sous le coup de l'émotion, parce qu'après, il s'est un peu. Il a refait un message. Il avait fait un post sur les réseaux sociaux, justement par rapport à ça, parce qu'il va reprendre sa tournée. Donc, il y avait plusieurs dates. Il y avait Amnéville dans le coin. Oh. Il y avait Nancy aussi. Enfin, l'Accor Hotel Arena. Enfin, il y avait plein de dates. Et c'est vrai qu'il se trouve impacté par cette décision, parce qu'il y a plus de 5000 personnes dans ses concerts. Mais c'est vrai que c'est encore des décisions où on peut débattre là-dessus, parce que 4999, on est bon, mais 5000, on n'est pas bon. Oui. Donc moi, enfin, soit on arrête tout, mais vraiment tout, soit on laisse tout. Enfin, pour moi, ce serait logique, en fait. C'est pas une personne qui va changer quelque chose. Donc, soit on arrête tous les concerts. Par exemple, à Nantes, il y a Maître Gims qui a été annulé. Mais Chantal Goya, elle est maintenue. Oui, j'ai rien contre Maître Gims ou Chantal Goya. Mais à un moment donné, il faut être logique. Oui, tu ne connais pas Chantal Goya. Mais qui ça? Non. Ben Cassine, c'est ma cousine. Je connais pas. Vous connaissez pas? Non. Alors si Marion peut nous mettre un petit extrait tout à l'heure, ça serait bien. Ah, tu veux laquelle? Tu veux laquelle? Et qui bouge? Ben je sais pas, une le connue. Le plus horrible Marion. Non, celle qui bouge. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas trop. Maître Gims annulé. Oh demain. Chantal Goya, oui. Ben après peut-être que Chantal Goya, il y a peut-être pas grand monde. Ouais, il est dans la même ville, donc normalement le préfet il prend une décision, et à mon avis ça doit être pour tous les spectacles, je pense. Ah oui, les 5000, ils rentrent pas en ligne de compte là. Bah je sais pas, j'ai pas, enfin ça me paraît bizarre. Moi j'ai Chantal Goya si tu veux. Mais bah allez, écoutez voir un petit peu. Merci Marion. Bon. Dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivé une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de mortes fontaines, où vont à mortes saisons tous les chasseurs de la plaine, c'est une révolution. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. Voilà, donc j'étais en train de dire à Christopher, ils ont annulé Maître Gims, mais ils ont laissé le lapin. Voilà, le lapin. Chantal Goya. D'avoir que 1000 personnes qui vont aller, hein. Non, moi, je... ah, mais peut-être mais qu'il n'y a pas... Je te dis ça, Christopher, mais Chantal Goya fait de très beaux spectacles avec beaucoup de monde à chaque fois. Et depuis 50, voire... Oui, c'est plus. Vrai que pour les enfants, c'est pas si mal que ça. Ben, mon lapin. Ah, Gabriel, tu connais? Ah, oui, il a l'air de connaître, Gabriel. Oui, tu connais? Oui. Ah. Tu vois, parfois, on a des idées sur des choses et puis c'est bien de discuter parce que comme ça, on change nos idées. Ah, t'es busy. C'est ans. Donc, pas mal de concerts d'annulés. Hein. Donc, les matchs de foot, bah, pas plus que non, ça. Non, ce soir, le match de foot. C'est qui, alors? L'équipe de France unie contre le Canada. Quoi? Non, c'est Paris Saint-Germain. Et puis on... Non, sur la 9, la match de foot, j'ai vu. Ah bon? Non. Oui. L'équipe de France. Je sais pas, j'ai pas. Féminine. Donc, les conséquences, on en était toujours là. Et j'ai des musées, ça... Attends, on a parlé du commerce. Nous, on n'a pas ça. Hein. Coupé. Le trafic aérien, les touristes, tout ça. Est-ce qu'il y a toujours autant de touristes? Non, moins de Chinois, ni d'Italiens. Moitié d'Italiens? Moins d'Italiens et moins de Chinois. Moins de Chinois. Alors. Bah, de toute façon, les Chinois, ils doivent être confinés, la plupart, chez eux. Enfin, ils doivent rester dans leur pays. Et les Italiens aussi. Après, les Italiens, je ne sais pas si ça a beaucoup augmenté. Ah, si, quand même. Ouais, bon. Bah, en France, tout doucement. Hein. Alors, moi, j'ai vu quelque chose qui était bien. Mais au fond, moi. C'est la carte de la... Comment ça s'appelle? Cohabitation. De la pollution. Alors, ah oui, comme il y a énormément d'entreprises en Chine qui ont fermé, ah oui. On a vu la carte par un satellite, et ben, tout est devenu vert. Il y a moins de pollution. Et comme les entreprises ferment et qu'elles elles sont très très polluantes, par exemple il y a des mines, il y a des grandes industries très très polluantes, et ben, avec le coronavirus, elles ont été fermées ces entreprises. Et du coup, la carte était devenue verte. Ça veut dire qu'on peut respirer normalement. Les entreprises, mais aussi le fait que les Chinois soient confinés chez eux. Et du coup, ils sortent pas. Donc, il n'y a pas de véhicules non plus. Il y a la pollution aussi des véhicules qui fait que... c'est vrai que la carte, moi, j'ai vu en temps habituel où c'est orange... Rouge même. Hein. Voire rouge par moment. Et c'est vrai qu'à côté, on a actuellement, il n'y a rien, quoi. C'est bien, c'est incroyable, ça, hein. Pour l'air que les gens respirent est bien meilleur en ce moment. Il y a au moins ça. Hein, si voilà. Ça va venir vraiment en Chine, on va tous rester chez nous. Si on pouvait en garder le son, ce serait bien. Mm-hmm. Et comment ça va arriver pareil ici? On va tous rester chez nous. On va rester confinés à la maison. Peut-être. Pourquoi on va rester chez nous? Je sais pas, le virus il monte plus, on va rester chez nous confinés. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on reste chez nous? L'immeu soit le coronavirus à l'immeu. S'il y a un cas de coronavirus, oui, ça risque. Hein. Oui, non, mais ce qu'il dit, c'est pas bête aussi, parce que si... Là, pour l'instant, on est au stade 2. Oui. Mais si on passe au stade 3, apparemment, là, oui, il parle de fermeture d'école, quelque chose comme ça. Donc, oui, enfin, moi, je sais pas. Je sais pas si je resterai à la maison, mais en tout cas, les enfants, oui, il y aurait de grandes chances pour qu'ils restent à la maison. Ouais. Ah ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à un moment donné, on va passer au stade 3? Non. On ne sait pas, mais apparemment, oui. Comme en Italie du Nord. Bah, tout est fait pour éviter de passer au stade 3, mais après... Oui. Ils font tout pour... S'il y a des gens qui bougent toujours et qui viennent, qui repartent... après, c'est difficile aussi. Si on n'empêche pas les gens de bouger... À un moment donné, ça ne s'arrêtera pas. Parce que si les gens sont porteurs et qu'ils bougent, ils vont transmettre le virus ailleurs. Oh. Alors, ce qui veut dire, c'est que, par exemple, l'IME ferme. Oh. Imaginez, l'IME ferme. Ah non. Quelles sont les conséquences? Vous êtes obligés de rester chez vous. Okay. Vos parents, ils font... Moudarde. Ils vont devoir rester à la maison aussi pour être avec vous. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils vont pas travailler. Vos parents, s'ils vont pas travailler. Ils gagnent pas d'argent. Pendant 20 jours, ils sont pris en charge par la sécurité sociale comme s'ils étaient malades. Si les entreprises, là où travaillent vos parents, ils ont pas de salariés, qu'est-ce qui se passe? Ils ferment. Ça fait comment en Chine? Pas forcément, mais ils ont moins de... Ils produisent moins de recettes. Moi, je peux me darrer tout seul, c'est bon. Il y a quand même des usines en France qui sont fermées parce qu'ils dépendent de pièces chinoises. Des voitures. Oui, les voitures, oui, déjà. Oui. Exactement. Oui. Bon, on va pas en arriver là. On n'en est pas là, d'ailleurs. Hein. Ah, c'est toi qui dis ça, Corinne, c'est pas nous. Hein. Non, mais c'est une histoire de se projeter, tu vois. Imaginez un peu le futur, si, voilà. Gabriel est en train de nous dire, tout doucement, qu'il connaît très bien la chanson du lapin. Il la chante. Gabriel, écoute-moi. Gabriel, si à une émission, tu veux qu'on la passe, la chanson, là, on demande à Marion, moi je note sur le cahier, hein. Est-ce que tu aimerais, à une émission, qu'on la passe ? Ah, oh. Mais c'est bien. C'est un vrai oui. Oh non ! C'est son choix. Oh, vous dites non parce que vous croyez que c'est pas bien. Seigneur, mais c'est... Oui. On a bien écouté du rock très dur, là. Oh. Une fois. Mmh. On a bien écouté la zone 51. Oui, Nicolas qui nous avait proposé. Avec un stagiaire de l'IEM. Ah oui, aussi. Il nous a fait Léonard, vous rappelez Léonard. Il nous a fait écouter un rock très, très, très. Sinon, il y a la zone 51 de Christopher aussi, hein, qui est bizarre. Hein. Oh, go. Oui, c'est vrai. Vermettre. Non. Un fils, dès qu'on le met, hop. Alors, donc, on avait dit aussi, on avait avancé aussi quelques chiffres. Alors, est-ce qu'on peut les transmettre ? Donc, lundi, par exemple, on était à 130 cas en France, mais ça a bougé. On est à 200 maintenant. On est à plus de 200. Bien, oh. Ouais. On avait parlé de 3000 morts au niveau mondial. Est-ce que c'est toujours ça ? Un peu plus, je crois. Je vais essayer de trouver. 5000 morts. Un des 10 millions de morts. Reste dans les proportions, parce que sinon, voilà. Tu me fais très très peur. Un demi-million. Et en France, combien il y a de morts en France ? 9. 9 morts. Non, non. 2. 2. Un peu plus. 4. 4. 4. 4 morts. Et puis, est-ce que vous pouvez dire quelles sont les personnes les plus fragiles ? Les personnes âgées. Comme toi, Corinne. Pas comme moi. Corinne. J'ai résine aussi. Voilà. 3200. 3200. Un peu plus, ouais. Donc 200 de plus. Hein. On est bien haut. Donc les personnes, oui, qui ont un certain âge sont fragiles. Comme 80 ans. Pourquoi tu me... Oui, voilà, il y a beaucoup de personnes, enfin oui, dans les 80 ans qui comme sont Corinne. Décédées, très fragiles. Comme la fleur de l'âge. Plus on est âgé, plus on a des risques. Oui. Mais les personnes malades aussi. Oui. Les personnes malades, oui. Que le cancer, ça va muter après. Ils sont déjà un petit peu malades, oui, c'est sûr que ça n'aide pas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Gabriel ? Eh bien, mais il n'a pas. Oui. Est-ce que vous avez, vous, étant en course, là, remplir des caddies énormes Zinedine ? Quoi ? Tu as été en course, remplir des caddies ? Ah oui. Ah oui ? Tu as fait des réserves ? Des parties. Ouais. Ouais, des boîtes de quoi, conserve. Quoi, des boissons. Ok, bon, c'est bon. Hein. Des cartons, des boissons. Avec Corinne, deux caddies remplis à bord. Alors, le corona, c'est bon, on a fini. Il y avait Camille qui avait une autre petite info. Alors, tu peux la dire, là. Qu'est-ce que tu avais vu ? Les dauphins. Oui, alors, il y avait eu un dauphin qui s'était... Il était où ? Dans une cage. Dans une cage ? Non ! Pain ! Pain ! Ok. Pain, Camille ! Voilà, il s'était échoué sur la plage, et puis alors ? Il ne pouvait plus respirer. Il dormait alors. Mais je sais. Et qui c'est qui a été à son secours ? Les pompiers. Voilà, les pompiers l'ont sauvé. Sinon, il serait mort sur la plage. Après, on l'a remangé. En France ? Oh, Kiki, c'est méchant, toi. Oui. Les moussons, je... Gros du roi, c'était. Ah, dans le sud, alors. Oui. On est à du dard des dauphins. Le gars. C'est en bas de la France. Ouais. Oui, c'est en bas de la France. Donc c'est bien, ça. Nicolas, c'est bien. Ouais. Sinon, j'avais une autre petite info, moi, à faire passer. Non. De Géraldine. La tu sais qui a râlé, là, c'est Zinedine ? Non. Si, c'est Zinedine. T'as pas mettre une musique combien de temps pour la pub ? des shopping. Non, le lapin. Alors, ne parlez pas tous en même temps, vous savez qu'on... Géraldine m'a dit de dire que l'IME fait une petite exposition au Centre socioculturel de Remiremont du 26 mars au 6 avril. Mmh. Le carnaval du recyclage. Ça peut être sympa à aller voir. Hein. Quoi ? On n'a pas le temps. Donc ce sera apparemment aussi à la médiathèque du 9 avril au 30 avril. Il y aura un atelier artistique sur le thème des masques et du carnaval vénitien. Donc ça, ce sera animé par deux établissements qui sont gérés par l'ADAPI. Ce partenariat même par le CAGE, Centre d'accueil de jour d'Épinal, et l'IME de Saint-Amé, qui accueillent tous deux des personnes porteurs de handicap, sont heureux de vous présenter leurs 4 heures œuvres réalisées avec des objets recyclés et du papier mâché. Donc je pense qu'au regard des dates, on le redira dans les prochaines émissions, parce que ça peut être sympa à aller voir. Quand même. Non, moi, c'est... Comment ? Non, merci. Non, merci. Ouais, ce sera ici, alors, Zinedine. Zinedine, il ne faut pas se fermer comme ça, oui, aux choses nouvelles. Parce que je suis sûre, en plus, que si tu y allais, tu serais tout content de voir ce qu'ils ont fait. Moi aussi. Bah oui, toi aussi, Gabriel. Alors, il est 52. Moi, je serais assez d'accord pour repasser une chanson. Parce que la semaine prochaine, on va encore être... bien chargé. Lapin, oui. On sera peut-être coincé. Alors, c'est soit Zinedine, soit Camille. N'importe. Bah, j'ai Katy Perry qui est prête. Bah, c'est celle de Zinedine. C'est Zinedine, ça? Oui. Eh ben, alors, Zinedine. Eh ben, allez, c'est parti. Et la semaine prochaine, bah, Camille. Faudrait que je les laisse dans mon sac. Ouais. Yeah. Katy Perry, Miko, hey. 'Cause I'm all that you want, boy. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon appetit, baby. Appetite for seduction. Fresh out the oven. Melting your mouth, kinda loving. Bon appetit, baby. Change your mind. Change. Got you running back for seconds. Every I'm the one that second change your life. Take off. No water faucet dripping with gel in my eyes. Black. Said she want a amigo, now that I ask her what's the price. Hold on. If she do right, told her get whatever you like. All set. I grab her legs and I divide. I make her do a donut when she ride. I looking at the eyes of a dime, make you blind. In her spine, now I'm on some diamond, check the climb. Sweet tooth, sweet. No tooth fairy. No whipped cream. Whip. No dairy. Real. Got a hot light on, screaming I'm ready. Hot. But no horses. Woo. No carriage. Go ahead. Cause I'm all that you want, boy. All that you want. All that you can have, boy. Oh. Got me spread like a buffet. Oh, now. Bon appetit, baby. Eat it up, eat it up, eat it up. Like a seduction. Yeah, yeah, yeah. Fresh out the oven. Yeah, yeah, yeah. Mouth kinda loving. Oh, now. Bon appetit, baby. Bon appetit. Under candlelight. Yeah. Bon appetit, baby. Voilà, eh ben on va terminer rapidement. Il y avait Nicolas qui voulait ajouter quelque chose. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui se passait dans les hôpitaux ? Il reste à voir le... Le coronavirus. Le coronavirus. Mmh. T'as dit qu'il y avait plein de monde dans les hôpitaux. Oui. Et puis Les médecins, ils peuvent avoir le coronavirus, les médecins. Ah ben oui, le personnel soignant, sont en, oui. En première ligne. Oui. Mmh. Donc ils ont des risques. Avec le personnel soignant. Donc les masques et tout ça, c'est déjà pour eux. Et les malades. Hein? Tu veux ajouter autre chose, Nicolas ? Et alors, en conclusion sur le coronavirus, il y a Christopher qui a une grande idée. Nous allons l'écouter. Alors surtout, tu parles doucement, qu'on comprenne bien. Vas-y. Alors, j'ai une idée pour combattre le coronavirus. Si quelqu'un m'écoute qui voulait faire ça, un scientifique, et modifier le coronavirus... Oui. Prendre un moustique, faire une modification génétique, les moustiques. Oh, qui rigole pas. Quoi, mais non, j'aimerais qu'on écoute. Oui, c'est sérieux. Vas-y. Tu continues, Christophe. On modifie le coronavirus, c'est un moustique qui mange le coronavirus encore dans le corps, qui guérisse le corps. Et après, le moustique, il meurt automatiquement. Il détruit automatiquement le corps. Il faudrait donc avaler un moustique. Non, l'injecter dans le corps. L'injecter dans le corps. Voilà. Et le moustique s'occuperait... Du coronavirus. ...de détruire le coronavirus. Voilà. C'est très intéressant. C'est vraiment... Ouais. Mmh. Alors, oui. Mais eh ben, alors là, Christopher... L'âme d'un chercheur, Christopher. Je pense que les gens du CNRS, ils vont être très intéressés par ce que tu viens de dire, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Marion, de l'idée ? Pourquoi pas ? C'est vrai que le moustique nous pique, donc après... Pourquoi pas ? Je ne suis pas scientifique, moi, donc... Bon, bah, écoute, tu nous rediras si tu as eu des appels. Hein, Si on en a à la radio, je transmets. Voilà. Hein, si quelqu'un veut te contacter par rapport à ton idée révolutionnaire... Ils peuvent t'appeler à la radio. Est-ce que tu peux donner le numéro, Christopher ? C'est quoi le numéro ? 03 29 62 40 40. Voilà. Eh bien, écoutez, on va rendre l'antenne. On va souhaiter une bonne journée à tout le monde, une bonne santé à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Ta douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin.